was the butcher. Je passais en mode yaourt. Je chantais en yaourt. And now the spirits are gonna turn it on my arm and my face. And all the sweat is gonna go without it giving my. And you take your mind, but never fall before. And I believe it is so true. And I began to know to know. Allez, Giorgio, c'est à toi. Allez, Giorgio, c'était un saxophone pourri. Allez, Giorgio, à toi, Giorgio. Giorgio, je fais la guitare, je suis un mec bien. Et j'ai sorti ma Fender pour faire vibrer mes cordes. Et quand j'ai fini ma journée, je vais jouer de la guitare. Super parole. Mon pseudo c'est guitare. Je fais de la guitare avec ma chat. I can't look this old, but I'm the devil of the air. I am the every note myself, I want to know to say. I'm not the every constant. I know they want us to go. I know they want rock and roll. Et je finis la chanson. Rock and roll. That'll continue. I want the species to go. Je peux jouer toute la nuit sous des accords qui tournent en boucle. Pendant que des centaines de gens qui ne prennent pas le temps de m'écouter, je suis caché derrière mon piano et personne ne vient me regarder. C'est pas grave, je serai payé à la fin de la soirée. Alors j'ai invité mon ami JP. Je lui ai dit si t'avais un orgamon, ça serait bien. Du coup, JP s'est installé derrière l'orgamon, tu vois. Allez, Jean-Pierre, solo d'orgue. Fais péter la Leslie. Fais péter la Leslie, Jean-Pierre. Fais péter la Leslie, Jean-Pierre. Fais péter la Leslie, Jean-Pierre. Allez, vas-y. Fais péter la Leslie. Je veux que ça tourne autour de ma tête. Et maintenant, Giorgio a repris la guitare. Je sens qu'il est inspiré ce soir. Oui, je sens que ça commence à monter dans les esprits. Allez, c'est bien les gars, je crois que je vais y arriver. Et moi je demande au barman un whisky, parce que j'ai mal aux mains de jouer les mêmes accords toute la soirée. Oh, j'ai le blues du pianiste. Et comme je l'ai dit, je m'en fous, je serai payé à la fin de la soirée. Ladies and gentlemen, en exclusivité ce soir, Monsieur Giorgio à la guitare. Et d'ailleurs, je vous vois même sur la caméra. Allez, je vais mettre la caméra. On va mettre la webcam. Où est-ce qu'elle est, la caméra? Ah, ça y est, j'ai trouvé la caméra. Ah non, c'est pas la caméra. Ah, ça y est. Ouais, ça y est, j'ai trouvé la caméra. Et j'ai pris mon micro, tu vois. Oh yeah. Comment ça va? Et je vous préviens, j'ai pas passé la soirée comme ça. Parce que j'aimerais bien aller voir un petit café. Et JP, on te voit pas, JP. Et j'aimerais bien que Jean-Pierre, il allume sa caméra derrière son orgamon. Il est où ton orgamon, Jean-Pierre? Jean-Pierre, il a un orgamon. Moi j'ai le blues de la musique. Ça va pas tarder que ma femme va débarquer. Elle va me dire arrête de foutre ton bordel sur les bottes comme d'habitude. C'est plus fort que toi, faut que tu foutes le bordel. Je vais encore me faire bannir comme d'habitude. Allez Giorgio. Giorgio, je te vois avec ta guitare. Ah non, mais c'est pas elle. C'est Gibson, non? Gibson. Oh yeah. Oh yeah. Alors j'arrête de jouer du piano. Je commence à avoir un peu les oreilles qui bourdonnent. Je prends la salle. Oh yeah. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient de Giorgio. Toute la musique que j'aime, c'est le synthé de JP. Oh JP, JP, JP, t'es le synthé, le roi du synthé. Allez Giorgio, allez Giorgio, Giorgio. Bon les gars, je crois que je vais aller faire autre chose, boire un café et retrouver ma dulcinée. Putain, ça arrive en plus. Je vais boire un café, retrouver ma dulcinée. Je vais me reposer parce que cette semaine je suis crevé. Je suis vraiment fatigué de raconter n'importe quoi. Ah merde, ça arrive plus. J'ai pas trouvé la règle. Oh, tu go, tu go, bon, affaire. Là, je suis en train de perdre mes cheveux, en fait, c'est pas bon. Pas bon de vous dire. Salut monsieur. Salut copain. Dis bonjour au micro. Bonjour micro. Attention, on enregistre au studio. Enregistrement dans 3, 2. Enregistrement. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Un peu fort, je vais baisser le volume. C'est... Ah, je suis en train de niquer les autres. Montre-nous ta dulcinée. Oh bah dis donc. Ma dulcinée, elle est couchée. Enfin, il faut. Elle va gueuler dans pas longtemps. Elle va dire arrête ton bordel. de la faire en version. Soir sur la joie sur et j'ai pas fait du blues, c'est Renaud qui fait du blues. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens, tant qu'il y en a, te parler du bon temps, qui est mort et qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied à la porte de faux, ta-ta-ta. Et entendre ton rire qui les arde les murs. C'est surtout guérir mes blessures. Ouais, j'ai arrêté de rigoler. Te raconter un peu comment j'étais minot. Les bons becs fabuleux qu'on piquait chez le marchand. 45 et mytho, caramel un franc. Et les mistrolles criants. Bah, c'est sur nous. J'ai arrêté de picoler. J'ai fait un nouvel album. Je crois que ça parle des mômes et des enfants. Alors achetez mon disque. Putain, j'ai des impôts à payer, bordel, déconne pas. Je vous promets pas d'assurer sur mes concerts, sur mes tournées. Si j'ai arrêté de picoler, ce sera pas facile. J'ai perdu ma voix, celle que j'avais à 18 ans, quand chantais la zone avec ma mobilette. Et je tiens encore le coup, toujours debout. Faire une version Francis Cabrel. Voici la version de Francis Cabrel. Petite Marie, je parle de toi, parce qu'avec ta petite voix, sur les chemins pleins de cailloux, au fond du jardin, et des milliers de roses et du romarin aussi. Petite furie, je me bats pour toi, pour que dans 10 000 ans de ça, on se retrouve à l'abri. Je viens du ciel, les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mépités sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu. Oh merde, c'est Renaud qui est revenu. Attends, Francis. Le Francis. Refais venir Renaud. Tiens, viens Renaud, viens chanter un couplet avec moi. Ouais, d'accord. Je vais en faire un. Ok. Attends, je me chauffe la voix. Donne-moi un whisky. Non, merde, un regard. Je t'attends transit sous une tuile de ton toit, avec des pierres et des cailloux. Le vent de la nuit froide me renvoie la balade que j'avais écrite pour toi. Ouais, c'est bien, petit. Petite furie, tu dis que la vie c'est une bague à chaque doigt. Ouais, c'est bien. Petite furie, je me bats pour toi, pour que dans 10 000 ans de ça, on se retrouve au bistrot, merde, pardon, à l'abri. Putain, excuse-moi, Francis, c'est plus fort que moi, faut toujours que je pense à Nicole. Bon, on va arrêter les conneries. On va faire un fade out. Mesdames et messieurs, je voudrais remercier ce soir tous ces nombreux musiciens. D'abord, nous remercions Monsieur Guitare. Je ne sais pas comment il s'appelle Guitare. Monsieur Giorgio. Et Jean-Pierre. Monsieur Jean-Pierre, qui était au 131 à l'Équateur. Je vous souhaite bonne nuit. Portez-vous bien. Amusez-vous bien surtout. Parce que l'important, c'est de s'amuser dans la vie. Faut pas se prendre la tête, faut pas se prendre la grosse tête. Et mon nous vivant. Bye. Je coupe la caméra.